Au royaume des aveugles, les révolutionnaires sont rois. Ils sont rois puisqu'ils croient en l'espoir. L'espoir c'est vivre, mais les autres n'y croient pas, car selon eux, il faut voir pour croire. Oui, attends, aveugle, mais attention. Je parle pas du handicap, mais bien du mal de ce siècle qu'on attrape à force d'exposition. Symptômes, construction d'un voile opaque sur ta vision, où réalité comme horizon sont cachés par un écran de télévision. Au royaume des aveugles, les révolutionnaires sont rois. Ils abreuvent de par leurs paroles, mais le peuple ne boit pas et nourrissent de leur voix, ne l'utilisent pas qu'une fois par quinquennat, non. Ils sont actifs au jour le jour, proposent alternatives et tout ça pour un monde meilleur. Utopie assez conséquente, c'est vrai, avant que tu ne réalises que tes actes ont des conséquences. Et conséquent, on sait qu'on culpabilise et pas avant. As-tu eu vent par vent tardise des occidentaux qui tirent avantage de cette division mondiale depuis le colonialisme? As-tu eu vent des crises et leurs vertus et de leur dérapage? Des trucs du genre ayez peur, restez dans l'ignorance, ou encore prenez conscience de cette chance de vivre de ce côté du rivage, mon cul. La rage d'un peuple qu'on sponsorise désormais, on vend même la révolution, le sais-tu, même mémoire perdue. Leur devise, courir après un style de vie, qu'on se le dise, la pub des fils de vue, voir, regarde, quel joli message sur ce panneau d'affichage. Au royaume des aveugles, on ne voit pas, qui n'ont jamais rendu plus beau un paysage. Au royaume des aveugles, les révolutionnaires sont rois. Ils voient les autres pas, mais y a quand même quelque chose que je saisis pas. À l'heure où tout se sait, comment est-ce possible que la société ne sache qu'un génocide a lieu en Palestine? Certes, c'est loin d'ici, ils ne voient pas, c'est sûr, mais entendent bien outrance, serait-ce le silence des médias? Ceci expliquerait cela, la privation sensorielle prendrait son sens pour nous, comme pour eux là-bas. Trop de mots pour pas dénoncer grand-chose de ce fléau, alors je me lance. Ressemblance à la déportation, empoisonnement des puits d'eau et bombardement des hôpitaux. Un mur pour un blocus, injustice, massacre des enfants. Pas mieux des parents, serait-ce un camp? T'as beau être aveugle, mon pote, tu le sais maintenant. On fait table rase de la Palestine, c'est la stratégie du choc. Au royaume des aveugles, le révolutionnaire est roi. Il est roi, mais il doit dire au peuple, il doit dire ce qu'il voit. Poser des mots justes sur les mots du monde. Poser des mots chocs comme eux posent des bombes. Poser les mots qui réveillent pour penser les mots ragis d'un système qui saigne. Le rebelle et les mots globines d'un autre monde. Par des mots révoltés, ils dénoncent les fausses démocraties démoniaques et leurs modalités. FMI, OMC et répartition démographique démesurée. Des mots délidés de parler marmots pour la part d'émotion. Ils posent des mots juste par devoir de mémorisation, devoir de mémoire. Mais pas des momies ou des pharaons, non. Pas des démolitions par des avions. Pas de seconde guerre ou des moments brillants de la nation. Pas même d'Hitler, des Houdolmer ou de Mozart le franc-maçon. Mais un devoir envers Danton, Martin Luther, Malcolm X et Trotsky Léon. Envers Gandhi, Mumia et Germaine Tillion. Nelson Mandela, Ernesto Guevara, Emiliano Zapata. Une pensée pour eux et pour tous ceux à qui la vérité a déjà crevé les yeux. Pour le reste, c'est vendetta à tous ceux qui vont une fois aveugles en l'autorité, aux bornes mutilées et à cet état miteux qui en profite et les tient à l'œil, cautionne même la cécité, quitte à envoyer ceux qui ne voient rien derrière leur bouclier et pas qu'en cité. Voilà pourquoi, au royaume des aveugles, les révolutionnaires sont rois. Je vais pas insister, si je t'ai pas cité, t'es de cela, sinon je ne peux que t'inciter à devenir comme moi, celui qui voit la répartition inégal, que si certains sont aveugles, c'est par malnutrition. Alors qu'ici, on n'a pas la dalle, mais la prétention d'avoir les yeux plus gros que le vent. Donc vois comme moi, comme j'ai vu, le Seigneur m'a guidé au sommet de la montagne et j'ai vu la terre promise sous mes pieds. Putain, elle était là depuis le début. Fallait juste la partager. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir.